Alors, bienvenue à Futur Simple, c'est François Grégoire qui vous parle. Ce soir, nous allons aborder trois sujets avec Jean-René Roy, professeur associé au département de physique de l'Université Laval. Alors, commençons avec le sujet des années bissextiles, puisque 2016 en est une. Alors, bonjour Jean-René. Bon après-midi, François. Alors, Jean-René, pourquoi est-ce qu'on introduit une journée supplémentaire le 29 février à tous les 4 ans de notre calendrier? C'est un peu curieux, ça peut le paraître. D'ailleurs, le mot bissextile semble un drôle de mot. Les Anglais ne sont pas cassés la tête, ils appellent ça leap year, l'année qui fait un bond. Le mot, en fait, veut dire 2 fois 6e, bissextile. Mm-hmm. Et pourquoi 2 fois 6e? Pourquoi 2 fois 6e? C'est que le jour, en fait, ce jour d'ajout existait depuis le temps des Romains, depuis Jules César, qui savait depuis longtemps, c'était une connaissance, qu'il n'y avait pas un nombre de jours exact dans une année, c'est-à-dire le temps de faire le tour du soleil, entre guillemets. Pour une rotation parfaite, là, parfaite, je veux dire, c'est ça. Complète, c'est et ça. En fait, de 365 jours, 6 heures, quelques minutes et une fraction de seconde. Donc, on n'a pas un nombre complet. Donc, soit qu'on met moins de jours, on met 365 jours, puis de temps en temps, on en ajoute un. Où on met 366 jours, ou de temps en temps, on en enlève un. Donc, en gros, ce qu'on a décidé, c'est qu'on fait 365 jours et de temps en temps, on en ajoute un. OK. Et c'est quoi? Et on le faisait le 24 février, qui était le 6e jour avant les calendes de mars, qui était le premier jour de mars. Mars était le mois de la nouvelle année chez les Romains. Donc, on avait décidé ça. Donc, c'était le 6e jour avant. Donc, on faisait 2 fois un 6e jour avant, d'où le nom bissextile. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'en fait, il fallait pas en ajouter toutes les années. Parce que sinon, on en ajoute trop. On en ajoute trop. Et ce qui fait, c'est qu'il y aurait un glissement tel avec le temps qu'on se retrouverait, par exemple, aujourd'hui, on est le 18 mars. On se retrouvait à un moment donné, au lieu d'être l'hiver, on se retrouvait à un 18 mars et ce serait l'été. Uh-huh. On aurait glissé, entre guillemets. Ça prendrait quand même quelques siècles pour arriver à ça. Donc, il fallait trouver une formule au lieu d'en ajouter tous les 4 ans, comme Jules César le faisait de façon assez brillante. Il fallait trouver une façon d'en enlever de temps en temps. Et justement, on les enlève où? C'est ça. Donc, maintenant, c'est... Quand on dit en enlever, c'est qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire, exactement, on ne fait pas d'année bissextile. C'est-à-dire, on ne fait pas ce jour additionnel. Donc, il fallait trouver une formule qui éviterait ce glissement. Et c'est le pape Grégoire, je me souviens plus de son numéro, le Grégoire XIII, qui en 1582 a établi, en tout cas pour un certain nombre de pays sous l'égide de l'Église catholique, d'adopter ce fameux calendrier plus précis par rapport aux saisons. On n'aurait pas ce glissement-là, qui faisait finalement que, oui, tous les 4 ans, donc la première chose qu'il a fait, il avait pris 2 jours d'avance. Donc, on était comme 2 jours trop vite. Il élimine 2 jours. Ça a créé des émois de toutes sortes, qui seraient une histoire en soi. Donc, il a éliminé 2 jours supplémentaires pour revenir où on devait être par rapport aux as, entre guillemets, par rapport aux saisons. Et, donc, il y a 2 jours qui n'ont jamais existé. Là. Exactement. Il les a littéralement enlevés. Donc, finalement, ce qu'il a dit, on ferait tous les 4 ans une année bissextile, sauf les années qui sont divisibles par 400. Donc, en 1300, en 1500. Sauf au siècle, c'est-à-dire, comme en 1900, je pense. C'est ça. Exactement. Donc, faut pas trop se mêler. Sauf, donc, finalement, donc, il y a des années qu'on n'en ajoute pas. On n'a pas, donc, on se ralentit. Mais, là, si on faisait ça à tous les siècles, en fait, entre guillemets, non divisibles par 400, on se retrouverait avec un peu trop en retard. Donc, en fait, il a décidé, pour reprendre le gain, que tout ce qui est divisible par 400, ça va être une année bissextile, comme 1600 et l'an 2000. Vous vous souvenez peut-être, c'est fou, une année bissextile. Alors donc, qu'en 1900, il n'y en avait pas, en 1800 non plus. Exactement. Donc, c'est une formule où, si on ajoute une journée tous les 4 ans, mais pas tout le temps. Et on s'est donné une formule avec laquelle tout le monde est d'accord, parce qu'il faut que tout le monde soit d'accord. Le calendrier est une chose très arbitraire et qu'on suit. Et je pense que si on pousse la logique jusqu'au bout, est-ce que ça va être une solution parfaite ou on... Non, il y a toujours des petits glissements parce que c'est assez subtil et il faudra à un moment donné décider d'enlever ou de rajouter, mais ce sera peut-être sur des échelles de milliers d'années en fait. OK. Et pour terminer, mais j'avais trouvé une anecdote intéressante par rapport au calendrier. Alors Jean-Sébastien Bach est né officiellement le 21 mars 1685 à Eisenach en Allemagne. Mais l'implantation du calendrier grégorien, dont vous avez parlé tout à l'heure, s'est faite très tardivement là où il est né, c'est-à-dire en 1701, alors que si son implantation avait eu lieu en 1585 ou en 1582, comme un peu ailleurs en Europe, ou même comme dans les États germaniques catholiques, mais Jean-Sébastien Bach serait né un 31 mars 1685 et non le 21 mars. Ces changements de système rencontrent toujours beaucoup de résistance. On le voit maintenant avec le système métrique de la part de nos voisins du Sud. Tout à fait. Alors, on va maintenant passer des ondes musicales de Jean-Sébastien Bach aux ondes gravitationnelles d'Albert Einstein. Alors, jeudi passé, le 11 février 2016, lors d'une conférence de presse à Washington, des chercheurs ont annoncé que des ondes gravitationnelles avaient été enregistrées le 14 septembre 2015 par deux détecteurs du LIGO aux États-Unis. Alors, Jean-René Roy, vous étiez à Washington ce jour-là. Un par hasard, entre guillemets, oui. Alors, j'imagine que c'est... En fait... est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement ce que sont les ondes gravitationnelles et ce qui les occasionne? Oui. Donc, c'est une découverte absolument fantastique. Ça va sûrement rester dans les archives comme une des plus grandes, des plus importantes découvertes du siècle. Certains disent plus importante que le boson de Higgs. Okay. Donc, là, c'est peut-être des certaines écoles parce qu'une s'applique, le boson de Higgs, à la microphysique, tandis que celle-ci s'applique aux très grandes masses et aux masses énormes. Donc, c'est une prédiction d'Einstein de sa relativité générale, sauf qu'Einstein changeait d'idée assez souvent, croyant en faire des erreurs, et finalement, pour admettre qu'il pouvait, qu'il prédisait ses équations, faisait ressortir un mouvement ondulatoire dans la structure de l'espace. Et mais sa conclusion, c'est que ce serait impossible à détecter. Ah bon? Donc, comme tel. Donc, qu'est-ce qui se passe? On sait que une interprétation visuelle et qui est correcte de la relativité générale, qui est une théorie de la gravitation, c'est quand vous avez la présence d'une masse va courber l'espace. Donc, il faut imaginer l'espace comme une espèce de structure de tissu, entre guillemets. Donc, si vous courbez l'espace par la simple présence d'une masse, si vous bougez la masse va générer une onde, une oscillation de cet espace. Un peu comme le mouvement des charges électriques génère des ondes électromagnétiques, comme la lumière. Donc, mais ce sont des ondes totalement différentes des ondes de son. On parle d'ondes sur la structure de l'espace. Donc, quand l'onde passe, elle produit une contraction et une dilatation successive de l'espace, tel, lors de ce passage. Donc, imaginez que quand ces ondes sont arrivées le 14 septembre, émises par une paire de trous noirs, on va y revenir, ces ondes ont passé et leur intensité était infime. Elles ont produit, si vous imaginiez, une structure spatiale comme un ballon. Quand l'onde est arrivée, elle a compressé le ballon, l'a aplati dans un sens. Donc, c'est étiré perpendiculaire au passage de l'onde. Et ensuite, ce qui était étiré est devenu plus plat. Donc, ça fait comme une espèce de squeezing d'un ballon qui était rond, qui a pris un peu la forme d'un ballon football américain pendant un quart de seconde. OK. Donc, le signal est infime. Pourquoi? Parce que l'espace est extrêmement rigide, entre guillemets, dans la relativité générale. C'est pour ça que ça prend des grandes masses pour produire des effets de courbure observationnelle. Donc, si vous voulez le faire vibrer, là, ça vous prend des quantités d'énergie phénoménales. Okay. Mais est-ce que aussi la distance joue? Est-ce que c'était loin, ça, ces trous noirs-là? Oui, en fait, les événements qui peuvent produire doivent être des événements très spéciaux. Et en particulier, dans le cas ici, c'était relié au déplacement d'abord de masse. C'était une paire d'étoiles de trous noirs qui chacun avait à peu près 30 fois la masse du Soleil et qui se sont rapprochés l'un de l'autre parce qu'ils perdaient justement, selon la relativité générale, ils perdaient de l'énergie et tombaient l'un sur l'autre. Et dans les derniers moments de leur interaction, ils se sont rapprochés quelque chose comme juste quelques centaines de kilomètres l'un de l'autre, et ils tournaient l'un autour de l'autre à une fraction qui s'approchait de celle de la vitesse de la lumière. C'est incroyable, ça. C'est absolument incroyable. Et au moment où ils sont fusionnés, tout s'est fait à peu près une fraction de seconde. Avant, ils émettent toujours des ondes gravitationnelles impossibles à détecter. Trop faible intensité? Et de trop faible intensité aussi affecte que très peu les trajectoires orbitales. Ce n'est que dans les derniers moments que là, il y a un phénomène relié à la courbure de l'espace qui va faire qu'il va avoir une perte d'énergie colossale sous forme gravitationnelle et que les objets vont se rapprocher et se fusionner pour faire un seul trou noir dans ce cas-là qui a à peu près 60 fois la masse du Soleil. Pas tout à fait la somme des deux parce qu'une fraction importante d'environ 5% s'est convertie en onde gravitationnelle. Et le signal est quand même très faible, mais il vient de très loin parce que cet événement est relativement rare, à une distance de l'ordre de 1,3 milliard d'années-lumière, c'est-à-dire que la fusion qui a donné lieu s'est faite il y a 1,3 milliard d'années. Et est-ce que la distance fait que les ondes vont aussi se diminuer en intensité? Oui, les ondes vont parce que justement, elles dissipent de l'énergie. Okay. Comme toute onde, elle va se... Son intensité va diminuer selon le carré de la distance. Et le signal est très court, en fait, mais il est très beau. La détection a été formidable. C'était quelque chose qui était assez clair. Là, c'était pas quelque chose qu'on se pose tellement de questions. Il reste toujours une infime probabilité que le signal, mesuré très précisément par les deux observatoires éloignés l'un de l'autre de 3000 km, pourrait être dû à une coïncidence phénoménale d'événements, de toutes sortes de choses qui sont agencées pour produire deux signaux identiques dans les deux observatoires. Mais il y a une chance dans 5 millions que ce soit le cas. Donc, on est à peu près totalement sûr qu'on a vraiment observé la première fois, des ondes gravitationnelles, et par modélisation, on n'a pas vu les trous noirs se fusionner, mais ils ont laissé ces signatures, et avec tous les modèles qu'on a fait rouler sur les ordinateurs et matcher le signal qu'on a observé, c'est cette combinaison d'événements qu'on trouve la plus probable. Et je pense que vous l'avez dit aussi, il y a une signature à ça. Si c'était une autre cause, ça n'aurait pas eu cette signature. Absolument. Il y a une signature prévue par la relativité qui est très, très précise. Alors, c'est vraiment très intéressant. On pourrait en reparler éventuellement. Alors, on va revenir à notre sujet sur l'exploration spatiale. Alors, dans le deuxième volet, nous tenterons de comprendre les défis que représentent les futurs vols robotisés vers les autres planètes du système solaire, le Soleil, les astéroïdes et les comètes. Alors, Jean-René, commençons par la Lune. Alors, dans les prochaines années, il y aurait de nombreuses missions prévues pour retourner sur la Lune? Donc, la mission, il y a plusieurs sondes qui sont autour de la Lune. Très peu de projets pour atterrir sans présence humaine à la surface de la Lune. Mais on peut s'attendre, parce que ce sont des missions qui peuvent être mises sur pied relativement rapidement, quelques années. Donc, ce qu'on sait... Les Chinois ont mis un petit robot à la surface qui a opéré pendant quelques jours. On l'appelait Utu, je pense, le lapin. Et c'est récent, ça? C'est récent. Ça fait, je crois, à peu près 2 ans. Et les Chinois ont probablement le programme le plus clair, le plus détaillé pour l'exploration lunaire. Et on peut s'attendre à ce qu'il y ait un autre robot lunaire qui entre en action après avoir été lancé d'ici peu. Parce que les Chinois, dans les années 20, l'ont déclaré et ils travaillent. Ils vont atterrir un équipage humain sur la Lune. Ce sont les seuls qui sont déterminés à le faire. L'autre groupe qui a une mission robotique annoncée pour aller à la surface de la Lune, ce sont les Russes. Ah et bon? Les Russes, l'idée est de forer, carotter le sol lunaire et d'envoyer les échantillons par fusée et les retourner sur Terre. Mais ça n'a pas déjà été fait, ça? Je crois pas qu'il y a eu de forage et renvoyé. Je pense que les... oui, en effet. Là, je me rappelle, les Russes ont réussi une fois à faire d'appliquer cette technologie, n'ayant pas réussi à envoyer un équipage humain et à faire ramener des échantillons par un équipage humain, ils ont utilisé cette technique-là. Et c'était dans les années du programme Apollo. Donc, okay. C'est pour ça que tout d'un coup, okay. Là, j'avais un blanc, je m'en souvenais plus. Mais moi, en fait, je me posais la question, parce que je me disais, en quoi est-ce que la Lune peut représenter encore un intérêt alors qu'on est allé plusieurs fois, il y a eu des sondes. En fait, pourquoi justement on veut encore y retourner? Parce qu'on connaît quand même peu de choses. On peut juste imaginer la Terre. La Terre, on y est dessus et... On n'arrête pas de la forer, de l'explorer, de l'échantillonner pour mieux la comprendre. Et pour nous, il y a aussi certaines raisons pratiques d'y trouver certaines ressources. Donc, la Lune garde cet intérêt énorme et on a appris beaucoup avec les dizaines de kilogrammes d'échantillons lunaires rapportés par les astronautes américains. Et on a pu constater justement que la Lune et la Terre ont une histoire commune de formation et on a mis sur pied cette fameuse théorie que nos deux astres sont issus d'une collision d'une proto-Terre avec un astre de la grosseur de Mars qu'on a appelé Theia, qui veut dire mère de la Lune, qui se sont rentrés en collision à peu près 100 millions d'années après la formation de la Terre. Et cette collision a comme fusionné les deux corps ensemble et a créé l'éjection d'une très grande quantité de produits en fusion qui sont entrés en orbite autour de la nouvelle proto-Terre. Et ces débris se sont entrés en collision et ont fait la Lune qu'on connaît maintenant. Donc, la Lune et la Terre sont issus d'une grande collision. Et pourquoi on a pu mettre en branle, élaborer tout ce scénario, c'est par l'analyse de ces échantillons de la Lune. Et il y a encore des choses qu'on ne connaît pas. Donc, ça, c'est beau pour la Lune. Maintenant, pour les astéroïdes, on sait qu'il y a une sonde présentement là, qui est en train, la sonde Dawn, là, qui est en train de cartographier Cérès, n'est-ce pas? Donc, Dawn a visité Vesta et est en train de cartographier Cérès. On en a parlé il y a quelques émissions. Donc, c'est la mission la plus importante à l'heure actuelle autour d'un astéroïde. Okay. Et cette cartographie va continuer pendant assez longtemps. Mais ce n'est pas un appareil qui va descendre et atterrir sur la surface de Cérès. La seule mission à l'heure actuelle en cours pour atterrir sur un astéroïde, c'est une mission japonaise, Hayabusa 2, Hayabusa voulant dire Faucon, qui va tenter de répéter avec succès l'expérience qui avait été tentée par Hayabusa 1, qui avait réussi à atterrir sur un astéroïde, Itokawa, et qui avait supposément essayé de prendre une petite pelletée et essayer d'échantillon, mais ça n'avait pas vraiment marché. Il avait réussi simplement à ramener quelques grains, fragments microscopiques de ce météorite qui sont venus atterrir dans une capsule en Australie il y a quelques années et qu'on a récupéré et analysé. Okay, là, on sait comment faire. Il y en a eu assez pour analyser. Okay. Là, ils savent comment faire. C'est un autre petit astéroïde d'un kilomètre de diamètre qu'ils vont rejoindre, je me souviens plus quand, je pense en 99, je pense, ou en 2018. La sonde Hayabusa 2 a été lancée en 2014. Elle va atteindre l'astéroïde en 2018, va atterrir en douceur, ce qui est compliqué. On l'a vu avec la fameuse sonde. Oui. Et, avec la Philae, comète. Philae. Mais c'est encore plus petit ici. OK. Donc, il y aura récupération et en 2020, il y aura un retour sur Terre d'échantillons beaucoup plus considérables. Donc là, pour les astéroïdes, on connaît un peu leur composition par les morceaux qui nous tombent dessus sous forme de météorites qu'on récupère au sol. Mais il y a trois grandes familles de météorites et ils ont des propriétés pas mal différentes les uns des autres. Donc, il y a tout un monde là à aller explorer le monde des astéroïdes. Et sûrement que le monde des astéroïdes sera aussi, après avoir été exploré par des robots, c'est tellement plus facile. Ah, on pourra peut-être tenter d'y atterrir un équipage humain sur un gros astéroïde. C'est une possibilité du côté américain, mais là encore, c'est plutôt le désordre. On ne sait pas trop où on s'en va pour les expéditions humaines après la station orbitale. Et si maintenant on considérait les planètes intérieures comme Vénus ou Mercure, est-ce qu'ils se préparent quelque chose? Oui, en fait, elles ont toujours été un peu négligées. Peut-être moins Vénus, mais Vénus est très difficile d'abord. Elle est couverte de nuages. Et sa surface est à des centaines de degrés Celsius, donc le plomb très y fond, chaude, très chaud. Donc, les Russes ont été peut-être ceux qui ont mieux réussi. Deux fois, ils ont atterri des sondes à la surface il y a très longtemps et pris quelques images. La durée de vie des sondes à la surface était de quelques secondes. Là, il y a des missions de prévues pour Vénus surtout avec un intérêt accru pour la mise en évidence de volcanisme à la surface de Vénus. On a des systèmes, il y a des nuages très épais, mais on a des systèmes de cartographie de la surface de Vénus qui ont été faits avec des radars. Donc là, on prépare vraiment une mission pour aller atterrir et se retrouver à la surface de Vénus. On s'intéresse à l'activité sismique, quoi? Un genre d'activité sismique, mais encore là, c'est de comprendre comment Vénus a évolué et surtout de façon comparative à la Terre. Faut se rappeler que Vénus est un peu plus proche du Soleil, mais sa dimension, sa taille est presque identique à celle de la Terre. C'est notre sœur. C'est un fait, oui. Et comme on n'a pas beaucoup de temps encore, si on sautait à Jupiter. C'est intéressant. Ouais. En fait, il n'y a pas... on sait que y a les missions à l'heure actuelle qui se destinent aux planètes les plus lointaines, les missions les plus lointaines, c'est Jupiter. On n'a rien sur le calendrier qui va plus loin que Jupiter. On ne va pas vers Saturne, on ne va pas vers qu'on a bien exploré, mais qui vont mériter d'autres missions plus tard. Mais Jupiter, où on va aller à Jupiter, mais de façon plus spécifique à deux lunes de Jupiter, Europe et Ganymède, qu'on sait abriter de grands océans salins sous des couches de glace de plusieurs centaines de mètres. Donc, on veut au moins dans une première étape aller faire en sorte que les sondes vont être en orbite autour de Jupiter, mais vont avoir des orbites qui vont venir passer souvent à côté des lunes de Jupiter, Ganymède et Europe. Donc, il y a une mission européenne, Clipper, qui irait surtout vers Europe, et l'autre mission qu'on appelle JUICE, qui est une mission américaine qui irait plutôt vers Ganymède. Okay. Ce serait des missions très coûteuses, de l'ordre de milliards. Et là, récemment, il y a eu un intérêt surprenant de la part de certains membres du Congrès qui sont prêts à donner encore plus d'argent à la NASA si elle peut mettre en œuvre, à partir de la mission JUICE, un petit robot qui se détacherait et irait se poser à la surface de Ganymède. OK. Pour aller voir s'il y a de la vie, quoi? Éventuellement, c'est ça, mais d'aller déterminer encore mieux la présence d'eau, le type d'eau qu'il y a et éventuellement, oui, est-ce qu'il n'y a pas de la vie? Et la vie existerait probablement sous ces centaines de kilomètres de glace dans ces océans. Les quantités d'eau qu'on calcule exister sur Europe et Ganymède sont de beaucoup supérieures à l'eau de tous nos océans. Okay. Donc, il y a beaucoup plus d'eau sur chacune de ces petites lunes, donc de Jupiter, qui sont aggro comme notre lune, qu'il y en a sur la Terre. La Terre n'a pas beaucoup d'eau. Ah bon, OK. Contrairement à l'apparence là, qu'on note que les couvertes d'océan. Et quand vous parliez de sorte d'eau, on parle de signature isotopique pour savoir d'où ce que l'eau pourrait Origine, en fait, quelle est la nature de l'eau? Est-ce que c'est une eau identique à la Terre? On sait que H2O, l'eau des comètes, mais par la présence isotopique, on sait que l'eau des comètes n'est pas la même eau que l'eau de la Terre, mais que l'eau des astéroïdes ressemble beaucoup à l'eau de la Terre par son rapport de proportion d'eau lourde par rapport à l'eau légère normale. Ben, c'est très intéressant. Est-ce que vous auriez un petit dernier mot à nous dire, à nous parler sur New Horizon? New Horizon a passé en d'une façon très rapide et les images continuent à arriver. Hein. Donc, si vous suivez le site de New Horizon, donc faites une recherche pour le suivre. Il y a des images maintenant absolument fantastiques et des vidéos. Ils sont parvenus à la Terre. Là. Qui parviennent et qu'on traite, toujours, etc. Ouais, et tout. Donc, allez voir, faites une recherche New Horizon APL. Faites okay. simplement ça et vous allez voir le site qui va apparaître. APL, c'est pour Applied Physics Laboratory, qui est le lab qui est en charge de la mission comme telle. Et là, la sonde, elle continue dans l'espace à très haute vitesse. Elle se dirige vers un petit corps qu'on appelle un objet de Kuiper, qui est une espèce d'astéroïde de glace, des astéroïdes différents des astéroïdes qu'on a plus proches de nous. Et la sonde New Horizon va passer à côté de cette sonde vers, je pense, quelque chose comme 2020. Okay. Et devrait prendre des photos un peu comme elle l'a fait en passant proche de Pluton. Sauf que il y a peut-être des questions de positionnement. C'est pas sûr qu'ils vont être capables de viser aussi bien qu'ils ont pu viser pour Pluton. Mais beaucoup de choses à venir. Et ce qui est encourageant, c'est que les gens tombent beaucoup plus facilement d'accord entre eux et les politiciens qui financent pour mettre de l'avant des missions robotiques que des émissions qui ont des humains à habiter, bord. Hein, c'est ça. Écoutez, on aurait pu en parler davantage et c'est vraiment fascinant. Alors, je vous remercie beaucoup, Jean-René Roy. La prochaine fois que vous allez venir, on va parler des défis et aussi des rêves que représentent, en fait, les vols interstellaires. Alors, je rappelle que Jean-René Roy est astrophysicien et professeur associé au département de physique de l'Université Laval et nous allons passer en pause publicitaire et musicale sur CKRL au 89.1.